Il est 16h. Votre journal, Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Les cinq personnes interpellées à Neder-Overumbeek après l'incendie à l'INCC ont été relâchées après audition. Les bâtiments de l'INCC, l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique, ont été la cible d'un incendie criminel la nuit passée. À Ninameus, on apprend que les laboratoires scientifiques de l'Institut, alors qu'ils contiennent des pièces à conviction parfois cruciales dans certaines enquêtes, n'étaient pas surveillés. Oui, il n'y avait pas de concierge, pas de garde de nuit et il n'y avait pas non plus d'encadrement de la police ou de l'armée, c'est le directeur de l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique, Jan de Kinder, qui le dit. Cela a évidemment facilité la tâche des individus qui ont forcé l'entrée de l'INCC cette nuit vers 2h du matin avant d'y mettre le feu, de mettre le feu en particulier à une aile où se trouvent 6 délits, 10 laboratoires scientifiques de l'Institut. Un département en particulier, celui des microtraces, a été fortement endommagé. Par l'incendie d'abord, par l'intervention des pompiers ensuite. On ne sait pas encore quelles données ont été détruites, si des pièces à conviction cruciales pour l'un ou l'autre dossier sont parties en fumée ou ont été subtilisées. Les auteurs ont-ils voulu faire disparaître des preuves, des pièces à conviction, ou bien visaient-ils plus symboliquement l'institution elle-même? On l'ignore. Des expertises sont en cours et une instruction est ouverte pour incendie volontaire et dégradation par explosion. Merci Anina. C'est un coup d'État en faveur d'un gouvernement usurpateur. Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, est actuellement écartée de ses fonctions et elle s'exprime devant le Sénat en ce moment. C'est sa dernière audience de son procès en destitution. Elle, qui est depuis 13 ans à la tête du Brésil, est soupçonnée d'avoir dissimulé les failles des comptes publics pour présenter un bon bilan lors de la dernière élection présidentielle. Elle réfute ces accusations. « Je n'ai commis aucun crime, je suis jugée injustement », a-t-elle déclaré cet après-midi. Sa destitution est pourtant quasi assurée. La plupart des sénateurs ayant déjà affirmé qu'ils ne lui renouvelleraient pas leur confiance. Le vote a lieu dans 2 jours. On croirait cette histoire sortie d'un scénario de film, elle est pourtant vraie. Deux amis de 41 ans viennent d'apprendre qu'ils avaient été échangés à la naissance. Cela se passe dans le Manitoba au Canada. Les explications d'Olivier Henrion. Léon Swanson et David Tate sont nés en 1975, à 3 jours d'intervalle, dans le même hôpital de Norway House, dans le Manitoba. Dans leur petite ville du centre du Canada, une rumeur racontait que l'un était le fils des parents de l'autre. Ils ont décidé de faire une analyse génétique et le test ADN a confirmé qu'ils avaient été substitués à la naissance. À ce stade, difficile de dire s'il s'agit d'une erreur ou d'un geste de malveillance, mais ce qui est troublant, c'est qu'il y a quelques mois, on a découvert que dans le même hôpital, 2 autres enfants avaient aussi été échangés. En 1975 également, quelques mois seulement après la naissance de Léon et David. Et dans les 2 cas, ces substitutions de bébés concernent des familles issues de la communauté amérindienne. L'histoire bouleverse le pays. La ministre canadienne de la Santé a lancé une enquête. Des tests ADN vont être distribués aux personnes nées dans cet hôpital de Norway House au milieu des années 70. C'est la fin d'une expérience sans précédent à la NASA. 6 personnes volontaires ont vécu 1 an confinées dans un dôme, dans une région aride sur l'île d'Hawaï. Objectif, reproduire les conditions d'isolement d'une mission vers et sur la planète Mars. La NASA voulait étudier notamment l'évolution psychologique des participants. Les 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes, viennent donc de sortir. Tout s'est bien passé, même si le français de la mission, un exobiologiste, a pointé la difficulté à gérer la monotonie de ces journées. Ils s'entraînent dans 1 heure, les Diables Rouges se retrouvent avant le match amical de jeudi, ce sera face à l'Espagne. Premier match qui verra sur le banc le nouveau sélectionneur de l'équipe belge, Roberto Martinez. À ses côtés comme assistant, Thierry Henry, l'ancien joueur des Bleus. Voilà pour ces infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. Et vous êtes sur la première et tout de suite c'est Walid avec son équipe pour C'est presque sérieux. Merci Marie, retour dans l'information tout à l'heure à 16h30. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Quel est le titre du dernier album de Céline Dion? Oh la vache. Je sais, Je René. Ou embryons-nous. Elle est bien. Céline Dion qui a fait quelque chose de particulier dans un restaurant récemment. Elle a fait quoi? Elle a payé. Je sais, elle a commandé pour une seule personne. Non. J'ai trouvé un nouveau concept d'émission, ça s'appelle « J'irai dormir chez vous puisque de toute façon c'est chez moi ». On filmerait un banquier qui débarque chez une des personnes qu'il a vendu un prêt pour acheter une maison. Hein. Qui aurait pu prononcer cette phrase ? Nous avons toujours, toujours cette impression que nous l'avons cherchée. On va choisir, je dirais peut-être Chastel, Olivier Chastel. Jamais choisir, Olivier Chastel. Il l'aurait même dit. Même OMR, ils ne l'ont pas choisi. Et c'est ce morceau de Queen que nous vous proposons, Another Dimension to Dust. Je savais que ça allait poser problème. Depuis cet après-midi, fin de ce suspense insoutenable, Manon des Sources, dans la vraie vie, c'était François Hall. Et si Joël Milker revenait ? Qu'est-ce que tu me racontes là ? Joël ! Non. Votre cœur balance, Raoul Reyers. Vous le voyez. Hein. Ouais, je vous vois. Ou alors c'est un infarct. Oui, donc voilà. On regroupe plusieurs artistes purement vers Villiers-Étoile. Et la province de Liège également. Ok, donc il n'y a pas de réseau apparemment du côté de Verviers. Ouais, c'est ce que je dis. Le seul réseau qu'il y a, il est djihadiste. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Cette fois, ça y est, la période de canicule, c'est fini. Et il y en a un, en tout cas, qui en a profité pour ressortir du frigo. C'est Nicolas Sarkozy. En tout cas, on croit ses premières déclarations. Il a toujours l'air conditionné hein, par les idées du Front National. Bref, pendant que partout les esprits s'échauffent, eux ont décidé de faire souffler un vent de fraîcheur sur l'actualité, comme une sorte de clim contre l'inhumanité. Durant une heure et demie, ils ont juré de remettre un peu de couleur dans cette actualité morose. Voici vos chroniqueurs du jour. Qu'ils soient devant une bonne glace ou un micro, c'est le roi du jeu de langue, surtout quand elle est mauvaise. C'est Pierre Charette, bonjour. Bonjour Olyd. 40 degrés, ça n'a jamais tué un Polonais. Ah non, la preuve, il est là aujourd'hui, frais comme un glaçon. Edgar Schott, bonjour. Bonjour Olyd. En matière de solaire, elle tient au moins autant du missile que de l'astre. C'est notre snipeuse, Cynthia Isarelli, bonjour. Dans le milieu, on le surnomme la clim. Pour sa capacité à être en froid avec plein de monde, c'est Vincent Flibussier. Bonjour. Bonjour, j'ai beaucoup travaillé ce week-end. Tiens, lui, lors de la canicule de 1976, il a enflammé les charts de Polar sous le nom de Freddie Mercury avec son tube de l'été « I want to break free ». Raoul Reyers. Vous en souvenez ? Ça avait bien marché. Ça donnait quoi ? We want to break free. C'est exactement ça. En tout cas, pour terminer, ceux qui ont préparé cette émission pour vous, en voilà deux qui, pendant quelques jours, ont dû être contents de travailler dans l'ombre. C'est Ajar Boulesh, notre assistante, et Grégory Carrette à la réalisation. Vous l'avez compris une fois de plus en ce lundi, où que vous soyez en Belgique, l'actualité, ce sont eux qui la font. C'est avec vous que nous en rayons. Merci donc d'être presque sérieux comme nos chroniques. C'est presque sérieux. Sur la première. Des cadeaux que nous vous offrons, vous êtes peut-être aujourd'hui bien retourné au travail, vous avez peut-être besoin de dépaysement, c'est l'occasion rêvée maintenant pour aller faire un tour du côté du pass. Nous vous offrons 4 entrées pour le pass musée original dans le Hainaut qui vous invite à comprendre les sciences et les technologies tout en s'amusant avec des dizaines d'animations, de la détente et des découvertes pour toute la famille. 4 entrées pour le pass en vous inscrivant tout simplement pour venir passer un moment de bonne humeur avec nous autour de cette actualité du 20 de ce lundi, avec le qui a dit CPS au 6031 75 centimes le message, c'est ces 3 lettres donc il faut envoyer CPS comme c'est presque sérieux avec vos noms, prénoms et adresse, 75 centimes le message donc au 6031, la phrase du jour je vous la donne, qui aurait pu dire j'étais devenu gênant, qui aurait pu prononcer cette phrase, des propositions vous seront faites dans un instant, avant d'être tiré au sort par notre assistante Ajar Boulesh. Place à la une du jour. C'est la une du jour en chiffres, s'il vous plaît. Oui, des chiffres, c'est parti. Je vous donne des chiffres à vous de déterminer de quelle actualité il pourrait s'agir. Si je vous dis 290 000, vous pensez à quelle actualité ? Facile. 290 000. Le... Dites, oui, ça commence bien. Le salaire de Roberto Martinez ? Non. Salaire, mais de... C'est le salaire hebdomadaire d'un joueur qui vient d'arriver. Non, c'est pas au sport. Un fonctionnaire ? Non. on n'est pas très loin. Du roi ? Non. De l'administrateur de la RTBF ? Bah, on peut dire que c'est ça. Effectivement, c'est le plafond du salaire des patrons dans le service public, 290 000 euros. Elio Di Rupo qui rejette l'idée de la LVA. C'était la dernière émission. De débloquer, bah non, on l'apprend dans la presse, hein, qui, donc la NVA qui propose une idée, hein, celle de débloquer le salaire des patrons d'entreprises publiques. La règle avait été prise par le gouvernement dirigé par Elio Di Rupo. Le salaire des patrons publics serait plafonné, lui, à 290 000 euros. C'était le cas avec Joe Cornul, patron de la SNCB, qui était donc soumis à cette mesure. Mais à l'occasion de son remplacement, la NVA veut remettre bien la règle en question. Et Elio Di Rupo déclarait dans la presse du jour : c'est indécent. Qu'est-ce qui justifie de telles rémunérations ? J'ai le cœur qui saigne. Et qu'est-ce qu'en pense Didier Bellens ? Voilà. On va l'appeler, si on enlève on le plafond, il revient. Enfin, il faut enlever. J'en serais capable. Il faut enlever le c'est le, pas le plafond, c'est le couvercle. Oui, c'est ça. Son cœur ne saigne plus. Bon, alors, deuxième chiffre, si je vous dis 300. Bah, c'est quand on aura relevé le plafond. Non, 300, ça se passe en Norvège. Ouais. Ah, c'est des animaux qui sont morts d'un coup, des rennes foudroyées. Oui, foudroyées. Ouais, c'est des rennes foudroyées. Plus de 300 rennes sauvages sont morts foudroyées dans le sud de la Norvège. 323 cervidés, dont 70 jeunes, qui ont été retrouvés vendredi, c'est précis. Hein. Ouais. Retrouvés donc par un garde-chasse sur le plateau, sur un plateau d'un parc national où vivent quelques 10 000 rennes à l'état sauvage. Et les images de télévision montraient des corps d'animaux gisant sur un espace très concentré. Vous imaginez 10 000 rennes. Ouais. Nous, on n'en a que 3 et on a déjà des problèmes. Non, on en a plus de 3, on en a 2 maintenant. Ah oui, c'est juste. Foudroyé aussi. Donc il y a eu des orages très forts vendredi dans la région. Résultat des courses, eh bien 323 cervidés ont disparu. Que vont-ils devenir ? Hein, Raoul ? Un magnifique méchoui géant. Avec des têtes qui vont décorer des appartements. Nouveau chiffre, toujours avec l'actualité de ce jour, 1966. C'est une date déjà, mais à quoi fait-elle référence cette date, 1966 ? De quelque chose dont on fête le 50e anniversaire. Un 29 août, oui, effectivement. C'est l'anniversaire de Raoul Reyers. Non, c'est pas l'anniversaire de Raoul Reyers. Oh non, je suis beaucoup plus âgé que ça. Alors, anniversaire musical. Sorti d'un album ? Et 45 ans de tous cinémas. Non, je vais vous donner un indice, blanc. L'album blanc des Beatles ? Oui, mais alors c'est pas l'album blanc des Beatles, les questions des Beatles, mais que célébrons-nous ce Michel jour ? Delpech. Non. C'est. Non, c'est leur rapport, dernier. C'est en rapport avec les Beatles, mais c'est leur dernier. Concert ? Ah bah oui, voilà, le dernier concert des Beatles au Clandestine Park de San Francisco. En Yougoslavie. Ils ont donné leur dernière prestation publique. Voilà, c'était l'anniversaire des Beatles. Bon, si je vous donne encore des chiffres, si je vous dis 12,50. C'est un nombre décimal. Alors, déjà, c'est des mètres. Pourcentage. C'est des mètres. 12,50 mètres. C'est le saut un record en longueur. Un record, oui. Un record c'est en hauteur ou en longueur ? En longueur. C'est olympique ? Pardon, en longueur, mais ça demande de la hauteur. Attendez, si c'est olympique, je vous jure. Vous inscrivez. Ah non, mais c'est même pas que je m'inscris, je regarde la télévision. Ah oui, rien que pour les commentaires. C'est quelqu'un qui a lancé un truc débile. Oui, son pipi. On peut dire que ça se passe en Lorraine. Oui. C'est lancé de quiche. Non, c'est ça pas doit quiche. Être lourd parce que c'est pas si loin que ça. Justement pas. C'est pas lourd, non. Une plume. Pardon ? Une plume ? Une plume, non. C'est entre les deux. Un concours de jeter entre de ballon. Entre la plume et la quiche. Non. Alors, des lardons. Des lardons, non. C'est vivant ou pas ? On s'est craché. Mais de quoi ? De petits pois. Non. De noyaux ? De noyaux de quoi ? De Mirabelle. Ah, de Mirabelle. Eh oui. Un concours de craché. C'est un peu de niche, là, quand même. Alors, un concours de craché de noyaux de Mirabelle. Un moyen comme un autre de mettre en valeur la Mirabelle. Fierté Lorraine par excellence. Un concours qui s'est déroulé ce week-end dans les jardins botaniques du Grand Nancy. Donc voilà. Et le grand champion. A craché son noyau à 12 mètres 50. Voilà. Craché sa valda. Voilà, voilà. Alors, dernier chiffre, 1,51. C'est une le moyenne. Gars qui a perdu au concours de Mirabelle. Non. 1,51. C'est les une question de millions. De millions. Ah, c'est pas un transfert de joueur de foot. 1,51 million. C'est le vrai salaire de Jean-Paul Philippot. Non. Alors, à votre avis. Un déficit à combler dans un budget ? Non. C'est en Belgique ? C'est une réserve. Pas en Belgique, c'est une réserve. Et c'est ce que ça a coûté. C'est une réserve d'argent. Enfin, ce que ça a coûté. Non, c'est ce que c'est la superficie. Ça en fait. Devient compliqué là. Ah, c'est la plus grande réserve sous-marine du monde. Effectivement. Barack Obama, il a grandi en fait. Elle existait déjà, mais elle a grandi un petit peu. 1,51 km². C'est énorme, sur une large portion du Pacifique, soit la plus grande du monde. Effectivement, le président des États-Unis, Barack Obama, a annoncé l'ouverture d'une réserve marine naturelle. Il l'a annoncé vendredi, de cette réserve, donc cette création, dans son archipel natal de Hawaï. Alors, je ne vais pas vous donner le nom, parce qu'il est trop compliqué. C'est Papahanaumokuakea. Oui. Donc finalement vous le donnez. Ah mais oui, mais au Scrabble ça, là vous gagnez, c'est sûr. Une aire en tout cas protégée, une aire géante qui a quadruplé une réserve déjà existante, donc fondée il y a 10 ans par George W. Bush, connu sous le même nom. Oui Raoul. Dites qui est ce malade qui a composé 22 génériques. Alors écoutez, c'était des chiffres, dans C'est presque sérieux. Et dans la suite, je vous invite donc à vous inscrire, vous envoyez CPS au 6031 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On vous pose simplement une question. Qui aurait pu dire j'étais devenu gênant? À la clé pour vous, eh bien, 4 entrées pour le pass, ce musée original dans le Hainaut, histoire de découvrir les sciences et les technologies tout en s'amusant. C'est le cadeau que nous vous offrons ce lundi, que vous soyez dans notre royaume. Envoyez donc ces 3 lettres CPS au 6031. On vous fera bien entendu des propositions, tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Et justement, on poursuit dans la joie et dans la bonne humeur avec Cynthia Isarelli qui a du chien. En tout cas, cette info, elle en a. C'est le European Dog Show. Vous nous en parlez tout de suite. Les gens qui n'ont pas cette passion, ben, ils ont le temps de s'occuper de leurs petits-enfants. Ben, c'est tant mieux pour eux s'ils sont satisfaits comme ça. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. La première. Mobile Info. À 16h, presque 17. Attention, dans 3, 2, 1... Il est 16h17, donc retrouvons Marjorie Bilot. Bonjour Marjorie. Bonjour Walid. Alors, cette rentrée, dites-nous tout. Est-ce que c'est rouge? C'est rouge du côté de Liège. Par exemple, sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle, suite à un accident à Thémistère, on a quand même des files 15 minutes plus ou moins de retard sur 3,5 km vers l'Allemagne. Toujours vers l'Allemagne, mais avant, un véhicule est en feu à Berlo sur deux voies en direction de l'Allemagne toujours. À Bruxelles, accident sur le ring. Donc, c'est rouge entre Oullaert et Waterloo. L'accident s'est produit du côté de Waterloo et on a quand même une demi-heure de retard en direction de Braine-l'Alleud. Ailleurs sur le ring, ça commence aussi à se charger, surtout sur le tronçon Zaventem Grand Bigard et Zaventem Carrefour Léonard. Et puis du côté de Charleroi, sur le ring 3, ce sont les travaux à Couillet qui vous font perdre aussi quelques minutes vers Épinay. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Vous redémarrez, c'est peut-être la rentrée pour vous, c'est d'ailleurs la semaine de la rentrée pour la plupart d'entre vous. Bon courage en tout cas où vous soyez, restez surtout presque sérieux. Une actualité que nous revisitons avec bien beaucoup de recul, du décalé, de l'impertinence. Et justement, parlons-en avec Cynthia Isarelli. Quand l'actualité hurle à la mort, le citoyen est aux abois et il était temps donc que quelqu'un se décide à remettre la niche au milieu du village. Cher auditeur, oui, si toi aussi tu abordes cette rentrée la bouche ourlée de reflux gastrique dû à une indigestion estivale d'informations anxiogènes et burkignolesques, sache que l'infime fraction du service public que je représente compatit à ta douleur et à ton écœurement. Aussi, j'ai pris le parti de t'intéresser en ce jour à des sujets d'actualité autrement plus distrayants, car il était grand temps que les médias fassent toute la lumière sur un véritable sujet de société trop souvent délaissé. J'ai nommé le European Dog Show qui s'est tenu tout le week-end au Palais du Hesel. Alors, bon, Levons tout de suite un doute, hein. Un dog show, contrairement à ce que nous dirait Raoul Reyes, ce n'est pas un hot dog à moitié traduit, c'est simplement... Ou à moitié froid. Ou à moitié froid. C'est simplement un concours canin. Un événement d'envergure, hein, en croire notamment un de nos deux grands quotidiens francophones que je ne citerai pas, mais c'est pas le soir, qui consacre à la manifestation un très très long article, pardon, titré, je cite, « Un événement de taille pour chiens de toute taille ». Évidemment, les rageux demanderont pourquoi, en cette sombre période pleine d'urgence, consacrer du temps de cerveau disponible et des moyens journalistiques à un concours canin ? Eh bien, pour toute une série de raisons très judicieuses que je m'en vais vous exposer. Primo, célébrer les concours canins, c'est célébrer le savoir-faire belge. Oui, car en effet, c'est la Belgique qui a inventé en 1857 le concept d'exposition de chiens. Preuve que notre pays a pu faire preuve à un moment donné d'esprit d'entreprise avant-gardiste et visionnaire. C'est d'ailleurs... excusez-moi, Cynthia, il y a quand même eu le concours du plus beau bébé, je crois que c'était un concours belge. Vous étiez le premier participant. Oui, je suis sûr qu'il a gagné, je suis certain qu'il a participé. Il va être le plus beau bébé. Vous avez participé ou pas, Raoul ? Non, mon frère. Et il a gagné ou pas ? Deuxième. Non, mais Raoul l'a gagné, mais à 23 ans. Il a toujours fait moins que son âge. Et c'est d'ailleurs également en Belgique, en 1882, qu'on procède pour la première fois à l'enregistrement des premiers pédigrés canins via la Société Royale Saint-Hubert. En plus, cette année était spéciale pour la Belgique vu qu'elle a pu présenter au monde des spécimens d'une espèce canine belge rare et autrefois éteinte. D'ailleurs, personne ne vous en parlera mieux que M. Philippe Henry, secrétaire adjoint de la Société Royale Saint-Hubert. Je le cite avec fierté et nostalgie, il raconte « Le matin belge est une race qui avait quasiment disparu après les deux guerres mondiales, car ses chiens tiraient les charrettes de munitions et étaient aussi les premiers kamikazes. Ils étaient en effet munis de ceintures de mines et on les faisait aller se coucher en dessous des véhicules ennemis pour les faire exploser. » Bref, en deux mots commençant, le concours canin, c'est du patrimoine, hein, un héritage puissant, porteur de valeurs fortes comme l'excellence, le sacrifice pour la patrie et la pureté de la race, bref, que des trucs qui font consensus en ce moment. Redites quand même un peu le nom du secrétaire de l'association. Philippe Henry. C'est dur la reconversion des ministres écologues. Hein. Deuxième motif, ce concours canin international est aussi un geste fort posé en faveur de la tolérance, de la diversité culturelle et des échanges. L'événement a rassemblé pas moins de 12 200 chiens parmi les 360 races connues dans le monde et malgré cette affluence de diversité, aucun incident n'a été signalé. Pas même du côté des races les plus pugnaces comme le français tricolore ou le bras congrois à poil dur. Ce sont des vraies races. Naturellement, tous les chiens invités disposaient d'un visa et d'un carnet de vaccins en règle et avaient accepté de se conformer aux us et coutumes locales en laissant leur signe d'appartenance religieuse au chenil. Et enfin, tertio, faut-il le rappeler, le chien est le meilleur ami de l'homme. Et à ce titre, il est un excellent vecteur d'action civique. Quoi de mieux en effet qu'un beau petit caniche abricot, bien propre et bien toiletté, pour mobiliser les foules et réveiller nos meilleurs instincts. La preuve, cette année, le European Dog Show a drainé plus de 30 000 visiteurs. 30 000 visiteurs, hein, à un zéro près, c'est autant que la marche blanche, les gars. Vous voulez faire bouger les foules ? Mettez-y du chien ! Parce que si le meilleur ami de l'homme, c'était l'homme, bah, y a longtemps qu'on aurait organisé, je sais pas moi, un European Migrant Show, où on ferait le concours de la plus belle barbe naturelle, du rabatteur le plus endurant et où on débattrait des grâces comparées de l'ouvrier afghan et du berger d'Anatolie. Mais non, bon, je m'égare. Hein. Instrumentaliser les migrants de la sorte en faisant des concours, ça ce serait vraiment manquer à leur dignité. Parce qu'on a beau aimer les chiens, mesdames et messieurs, on n'est pas non plus des animaux. Ah, c'est beau, Cindy. Ah non, on n'est pas des chiens. Non. Genre de concours canin, vous savez ce qu'il faut faire ? Vous y allez avec un chat. Juste pour foutre le bordel. Vraiment, vous y allez. Et après 10 minutes, il ne reste plus que le chat. Ah non, mais je vous jure, ça pourrait être drôle, quoi. Ou avec un chinois. Ceci dit, tant qu'ils font leur concours, ils ne salopent pas notre toit. Non, c'est vrai aussi. Mais bon, maintenant, ils sont obligés de prendre des sacs aussi oui, avec. Mais tout le monde ne le fait pas. Mais je pense que ces chiens-là sont bien éduqués. Leurs maîtres aussi, ils sont très, très. De toute façon, s'ils font leurs besoins pendant le concours, ils ont perdu d'office. Hein. Ils doivent être très propres et rire de tout. Hein. Bien sûr que ça intéresse. Je m'y suis intéressé un petit peu. Hein. Ouais. C'est pas comme aux 50 mètres marche. À ceux que le sujet quand même intéresse, je vous conseille le documentaire Jamais sans mon chien, enfin documentaire, docu-réalité, qui est visible en intégralité sur YouTube, c'est assez édifiant. Jamais sans mon chien, c'est tiré en fait du même titre que Jamais sans ma fille, c'est sauf qu'ils ont un. Ah oui, c'est des gens qui ont des priorités. Il y avait aussi Jamais sans ma chienne, mais c'était plutôt pour adultes. Ouais. Bon, avant de vous écouter, Raoul, et on sent que un c'est lundi. On sent que c'est lundi aussi. Bah tiens, on va planter le décor avec Saul tout de suite sur la première. Il sera le 23 septembre prochain sur la Grand Place pour le rendez-vous Grand Place que vous découvrirez en direct sur la Une. Saul, voici comme sur la première. Comme une voix dans l'intercom qui me dit simplement te laisser filer. Comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui? Comment se compare toute une vie? Comment il faut vivre aujourd'hui avec ces cons qui nous poursuivent? Autour de moi j'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world. Des pommes, qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Sortir du nid pour pouvoir se laisser voler. Autour de moi j'entendais, et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Come. Si on devait s'habiller come. Sans arrêt s'imiter come. À qui devrais-je ressembler come to my world. Extrait de l'album à paraître prochainement le 18 novembre prochain. L'éclaircie, c'était signé Soul. Vous écoutiez comme sur la première. Hé, hey, Raoul, ça fait du bien. Nous jouerons dans un instant au qui a dit avec cette phrase. J'étais devenu gênant. Je vous explique comment jouer avec nous dans un instant. Le temps pour nous de poser une oreille attentive sur l'actualité que vous avez relevée pour suffira. Nous. Oui, alors, dites-nous. Ah ben les gens sont dingues. Ah ça on le savait. Les gens sont dingues, mais il faut le savoir. Oui. Par exemple, ces gendarmes de Vauvert, cette petite commune au fin fond de la Camargue, ont interpellé une petite frappe qui avait volé 86 enjolivers dans sa commune de Vauvert. À mon avis, il essayait d'ouvrir un petit magasin d'accessoires automobiles. De tuning. Oui, sans doute. Et donc, avec ça, il ne pouvait jamais équiper que 21 voitures et demie. Hein, 86 enjolivers. Et vous savez ce qu'il a crié aux policiers En se faisant gauler. En se faisant gauler. Non, peut-être pas. Non, bah non. Allez au diable. Au diable Vauvert. Mais oui, au diable, c'est de là que ça vient. Ah, ok. Parce que les Parisiens, à l'époque, qui trouvaient que la petite commune tout au fond de la France, qui s'appelait Vauvert, était très très loin. Et donc, quand ils voulaient dire c'est quelque chose de très très éloigné, ils disaient au diable Vauvert. Gai savoir le retour. Ah, bien, bien. C'est chez nous, on dit à Haute-Ciplou. Ouais. Voilà, c'est ça. Allez à Haute-Ciplou. Non. Très belle petite commune. Non. Si je fais un mashup. Ah ouais, pardon, mais... Vous connaissez Haute-Ciplou? Bien sûr. C'est magnifique ville. C'est magnifique. Il y a 4 ou 5 maisons, mais c'est très beau. Bon. On vous laisse. Hein. Tiens, comment qualifieriez-vous ce qu'on appelle un pinson, ou plus populairement un suçon? C'est quoi pour vous? C'est une petite marque d'affection un peu plus prononcée quand même. C'est comment marquer son territoire? Oui, si on veut. Eh bien, un petit câlin un peu hard comme ça peut s'avérer mortel. Pourquoi? Mais parce que c'est ce qui est arrivé à Julio, un jeune Mexicain de 24 ans qui est mort d'un accident vasculaire cérébral. À cause d'un suçon? Ah oui, parce que le suçon a provoqué un caillot qui est remonté au cerveau. Ah non. Ah si, je vous jure, la petite amie a disparu. On l'appelle déjà la tueuse au suçon. On pense qu'elle soit partie au diable Vauvert. Merci à Raoul non, pour... Non, mais on n'a plus le temps. C'est vrai? Oui. M'en fous, je l'ai pour demain. Ce mec est fou. CPS au 60-31, 75 centimes le message. Nom, prénom, adresse, vous vous inscrivez pour jouer avec nous. Qui a dit vous repartez avec 4 entrées pour le pass. La phrase du jour, la voici, j'étais devenu gênant. Qui aurait pu la prononcer, cette fameuse phrase? Réponse juste derrière les infos de 16h30. Construction Jean-Pierre et fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour rajouter une 10e boule à l'atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Merci. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 5 ans de garantie offerte. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99 € seulement, en vente en librairie. Hésitez moins, vivez plus! Découvrez le monde grâce aux incroyables tarifs Book & Pay de Connections. Débutez votre aventure dans l'un de nos travel shops ou sur connections.be. Connections. Go. Explore. La 2 en télé. Ce que je vais te raconter est top secret. Le projet de démanteler la plus grosse société au monde. Tous les dossiers de crédit, d'hypothèques ou encore de prêts immobiliers seraient intégralement effacés. Si tu fais ça, tu déclencheras la plus grande révolution. Mister Robot, les 2 premiers épisodes, ce mercredi, sur la 2. La première. 16h30. On s'informe avec Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. Dans l'actualité, ce soir, les enquêteurs ont retrouvé le corps du petit Anthony qui était tombé dans les eaux de la Sambre samedi. Les recherches avaient repris ce matin à l'aide d'un hélicoptère. Âgé de 8 ans, le petit garçon était sur un bateau de plaisance à hauteur de l'Aube, près de Charleroi. Il a glissé dans l'eau et les parents n'ont remarqué sa disparition qu'après plusieurs minutes. Nous reviendrons dans Soir Première sur cet incendie criminel la nuit passée à l'INCC, l'Institut National de Criminologie et de Criminalistique à Neder-Overumbeek. Des individus ont forcé l'entrée avec leur véhicule, puis ils ont mis le feu dans une aile où se trouvaient 6 des 10 laboratoires de l'Institut. Pourquoi ? Eh bien, pas d'explication pour l'instant, mais le laboratoire le plus touché, celui où on analyse les micro-traces biologiques, contenait peut-être des pièces à conviction que l'on voulait faire disparaître. Une instruction est en tout cas ouverte pour incendie volontaire et dégradation par explosion. Et dans CQFD à 17h45, on se posera la question suivante. Faut-il en finir avec les militaires qui patrouillent en rue ? Le député fédéral CDH Georges Dalmagne estime qu'il est temps de leur permettre d'en retourner à leurs missions habituelles. Il sera l'invité d'Arnaud Reussen et il sera face à Gauthier Calonne, député fédéral et maire. Voilà pour les infos, Walid. Merci Marie. Retour justement de l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Prenons la direction du village du Livre. Si je vous dis village du Livre, vous me dites Redu. Redu, effectivement, oui. Avec Florence qui est avec nous. Bonjour Florence. Oui, vous allez... allô. Oui, allô. Bonjour Walid. Vous allez bien Florence? Ça va bien et vous? Mais écoutez, la forme. Florence, vous êtes musicienne. Oui. Vous jouez... On s'est déjà croisés, hein. Toi et moi d'ailleurs. Oh, ah, on se dit tout. On se dit tu. Encore un votre vie privée. On se dit tu, bah oui. On s'est déjà croisés. Où ça exactement? Rappelez-moi. Sur le plateau de The Voice. Sur le plateau de The Voice, oui. Oui. Je suis choriste. C'est une des choristes de The Voice. Une des trois. Avec Gérard Gilles. C'est pas vrai, une des trois choristes de The Voice qui joue avec nous. Évidemment. Ah bah voilà. Bonjour Raoul. Ah bonjour, Raoul. Ça va? Ah bah voilà, bah on a une des choristes de The Voice avec nous d'ailleurs. Oui, c'est pas celle qui est venue chez vous, c'est pas Christelle. ma chère Florence, on va se retrouver, oui. On va se retrouver bientôt puisque les enregistrements de The Voice reprennent fin octobre et donc la diffusion est prévue en tout cas pour les blinds début janvier 2017. Comme ça vous le savez. Oui, c'est ça. Moi je travaille plutôt mars-avril, mais moi. Ouais, mais voilà. Pour les lives, quoi. Ce sera très vite. Hein. Ce sera, oui, bon, ça voilà. Va aller vite. En attendant, on va jouer avec vous, Florence, pour repartir avec 4 entrées pour le pass et cette phrase. Cette phrase qu'aurait pu prononcer, eh bien, qui ? Eh bien, on va vous faire des propositions. J'étais devenu gênant. Raoul Reyers, d'après vous, qui aurait pu prononcer cette phrase ? C'est Sa Majesté le Roi Albert II, après son abdication. Mmh. Et il aurait même rajouté « On trouvait que je coûtais trop cher ». Le roi Albert II. Oui, je vous jure. Ah, ok, d'accord. Je note le roi Albert II. J'étais devenu gênant, Pierre Charest. Petite erreur de transcription, c'est « Je suis devenu gênant ». C'est dans un élan de lucidité, Laurent Wauquiez, le président du Parti des Républicains, qu'il a avoué, après avoir demandé sans gêne, qu'on change la Constitution, histoire d'y introduire l'interdiction du burkini. Effectivement, il est devenu gênant. Laurent Wauquiez pour Pierre Charette, Edgar Schotz. Ben, figurez-vous que le hasard fait bien les choses, puisque c'est vous, Florence, qui avez prononcé cette phrase après la révélation de la brûlante nuit d'amour que votre collègue Christelle a passée chez Walid. Vous vous demanderez pourquoi vous n'êtes plus invité sur le plateau de The Voice. Et voilà, la réponse sera celle-là. J'étais devenu gênant. Tout ça, c'est de l'impro pour Edgar. C'est hein. Talent. Ah, ça, ouais, c'est phénoménal. C'est talent, j'admire. Pourtant, ça fait vrai quand même. On va demander à Cindy Aizarelli. J'étais devenu gênant, à pas votre pas avis. Du tout. C'est simplement Mark Wilmots qui a déclaré ça en revenant sur son licenciement. Mark Wilmots, c'est enfin, Vincent Flibustier. Vous avez peut-être la bonne réponse pour Florence de Rodu, qui aurait pu dire « J'étais devenu gênant ». Eh bien, c'est Edgar Schotz, après avoir révélé dans ses presque sérieux que Walid avait passé une nuit d'amour avec une choriste de The Voice, alors qu'on avait une autre choriste au téléphone. Voilà. C'est le début de la guerre des choristes. Voilà, sur le chemin, n'a pas oublié, carré. Bah tiens, elle peut peut-être nous le faire. Je peux vous engager. Alors faites-le-moi juste pour moi avant de voir un peu avec vous qui aurait pu prononcer cette phrase. Faites-moi un. Oui, mais faire les choristes à un. Ah non, mais c'est bien. Nous, on accompagne derrière. Va sur ton chemin, gamin d'oublier, garé, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Oh là là, c'est beau. Ça choriste, ah, c'est beau. Pourquoi on ne l'aimait pas elle à The Voice? Bon, ma chère Florence, des propositions. J'étais devenu gênant. Nous avons le roi Albert II, Laurent Wauquiez, vous-même, Mark Wilmots ou Edgar Schotz. Alors, à votre avis? Je crois que c'est le roi Willy. Le roi Willy, et effectivement, c'est Mark Wilmots qui, pour la première fois depuis l'élimination du Diable Rouge en quart de finale de l'Euro 2016 et son licenciement du poste de sélectionneur, vient accorder un long entretien au quotidien, au soir. Un chapitre s'est fermé, il a été formidable, il dit « Je suis content que ce soit la fin, j'avais dit en conférence de presse que j'avais pris une décision ». Une interview attendue qui arrive donc ici à la fin de l'été. Mark Wilmots, muet depuis deux mois, a décidé de se livrer après des semaines de sollicitations. Une façon donc de faire le bilan, de livrer sa vérité et de clore une fois pour toutes un chapitre de 4 ans. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup craché sur Mark Wilmots vers la fin, alors que on lui doit de Mirabel, là. Oui, c'est ça. Alors qu'on lui doit quand même beaucoup à Mark Wilmots. En tout cas, c'est sûr, c'est fait, c'est gagné. On vous envoie donc du côté du pass dans le Hainaut, 4 entrées pour le pass pour ce musée. Vous allez pouvoir découvrir les sciences et les technologies tout en vous amusant, ma chère Florence. Florence, qu'on retrouvera donc quand vous verrez The Voice. Vous essayerez de voir de qui il s'agit. C'est une des trois choristes. Gros bisous, Florence. Gros bisous à vous et à bientôt. Hein. À bientôt. Avant de retrouver la chronique d'Edgar Schotz, eh bien, je vous propose de pénétrer dans notre agence de presque. Alors, notre agence de presque, en gros, Kezako, Raoul Reyers. C'est de la fausse information. Déjà, il faut le préciser. Kezako, Vincent Flibustier. Avec de la vraie information. Eh bien, c'est un remontage. C'est comme un montage, un démontage, un remontage. Kezako, Cindy Aizarelli. C'est drôle. Ah, ok, Kezako. J'attends Charette. Que vous me l'expliquiez. D'accord. Et c'est quoi Edgar Schotz? C'est Nord-Presse avec des décibels. Voilà, c'est exactement bien résumé. Voici votre agence de presse. Attention, tout ce que vous allez entendre, et vous allez très vite le comprendre, est complètement faux. Jusqu'à 17h30 sur la première. C'est presque sérieux. Avec Walid. Bonjour à tous. Le président du Conseil français du culte musulman, Nicolas Sarkozy, a été attaqué alors qu'il faisait du surf en burkini dans le camping du Serioz à Aix-les-Bains. Il faut dire que le drapeau rouge était hissé. Nicolas Sarkozy s'est exprimé hier lorsque le drame est survenu. Pour moi, c'est clair. Il faut le port du burkini sur les plages de France et dans les piscines de France. Presque sérieux. Il s'appelle Alain Juppé, il n'a que 19 ans. C'est le plus jeune pilote français à se lancer en F1. Il fera ses débuts cet après-midi lors du Grand Prix de Bison Futé devant la cathédrale de Rouen. Qui est-il? La réponse avec Dominique Bresso. Cuistot chez McDo. C'est la règle en Formule 1 pour réussir. Dominique Bresso, spécialiste de la Formule 1. Presque sérieux. Du surprenant maintenant, de l'insolite même. Manuel Valls, en tricot, lance un appel à trois religieuses pour interdire des interdictions de baignade dans leur chambre. C'est presque sérieux. Sur la côte ouest de Belgique, à Spa-Francorchamps, dans une région où le risque sismique est connu pour des raisons de sécurité. Si vous prenez le volant tout à l'heure, rafraîchissez-vous évidemment, mais avec de l'huile sur le feu. Maintenant, il faut que ça s'arrête, parce que sinon, ça va terminer en guerre civile. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Voilà, votre rendez-vous ça désormais, top, presque hein, sérieux. Bah écoutez, on travaille. Il y aura bientôt des danseuses. feux d'artifice. La totale, l'info revue et corrigée. On en parle, tiens, sans plus attendre, avec l'incendie criminel à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie avec Edgar Schotz. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une femme morte. Une femme morte. Il y a plutôt deux fois qu'une. L'Institut National de Criminalistique et de Criminologie a été donc victime d'un incendie criminel cette nuit. Voilà qui fait donc beaucoup de crimes dans une seule phrase. Mais heureusement, heureusement, il a mené l'enquête pour nous. Il, c'est Edgar Schotz. Et je l'ai même mené scrupuleusement, cette enquête. Par exemple, je suis allé voir sur le site internet de l'INCC. Et là, j'ai découvert qu'il a même sa propre devise, cet institut. Si vous allez sur leur site, donc, vous trouverez cet ambitieux slogan qui barre la page d'accueil en majuscule capitale. L'INCC obtient beaucoup à partir de peu. Je vous jure que c'est vrai. Obtient beaucoup à partir de peu. Bref, l'INCC, c'est le contraire exact de Mark Wilmot. Enfin, c'est ou c'était, parce qu'avec l'incendie qui a ravagé leur labo, ce sera sans doute désormais plutôt obtient peu à partir de rien, ou alors obtient beaucoup à partir d'encore moins, je ne sais pas. Si je suis allé sur le site web de l'INCC, je ne suis en revanche pas allé voir sur place, parce que bon, on est de Roverenbeek, vous savez où ça se trouve, vous. C'est un 300 mètres avant de chez moi. Ouais, c'est pas loin de Vilvoorde. Oui, non, mais Google Maps me certifie que ça se situe à moins de 7 km de mon domicile. Et pourtant, mais oui. Oui, mais je peux vous l'affirmer formellement, je suis allé plus souvent à New York qu'à Neder-Overeembeek. D'ailleurs, il faut bien avouer que jusqu'à présent, Neder-Overeembeek était surtout connu pour son hôpital des grands brûlés et pour son incinérateur. Vous voyez le lien. Brûlé, c'est incinérateur. Pour ça qu'ils ont foutu le feu. tout se tient, me semble-t-il. Pour une fois, ceux qui passent leur temps à critiquer l'urbanisme bruxellois vont devoir un peu moins la ramener. Même si je n'arrive pas à savoir si c'est seulement du cynisme ou si c'est la mise en œuvre de ce que les écologistes appellent l'économie circulaire. Vous voyez, l'économie circulaire, c'est ce truc où une industrie récupère les déchets d'une autre et s'en sert comme matière première. Ici, en l'occurrence, quand l'hôpital apporte la matière première à l'incinérateur, il y a déjà une bonne moitié du boulot qui a été effectué. Non. Quoi qu'il en soit, je ne vois rien de très étonnant, comme vous le soulignez, Raoul, à ce que ce quartier qui aime visiblement jouer avec le feu ait été victime d'un incendie cette nuit. Mais en fait, je vous avoue que mon hypothèse de travail est un peu inquiétante. Mon hypothèse, la voici. L'attentat aurait a peut-être été commis par des membres du commando qui s'est fait exploser à Malbec et à Zaventem. Je sais que l'enquête n'a pas l'air de privilégier la piste terroriste à cette heure, mais ils avaient peut-être eux aussi l'intention de se faire péter le 22 mars, mais ils ont mis un peu de temps pour repérer où exactement se trouvait Neder-Overeembeek sur une carte, et puis encore plus pour savoir comment s'y rendre en utilisant les trajets combinés de la Stib et de Delaine. Et quand je vous disais que cette hypothèse de travail est inquiétante, c'est qu'elle laisse présager qu'il devrait encore y avoir d'autres actes violents perpétrés par des djihadistes qui sont toujours occupés à chercher où se trouve Aaron, ou alors Malmedy, selon Corentin Candy. Alors si maintenant ils ont peut-être repéré l'endroit sur la carte, on peut estimer qu'en partant de Molenbeek, ils devraient arriver sur place d'ici le début 2017. Merci Edgar Schotz, une chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. En fait, ce labo, c'est presque en face de l'incinérateur. C'est juste de l'autre côté du canal. Ouais, alors c'est vrai que la grande question, c'est de savoir pourquoi. On peut trouver et faire des supputations. Faire disparaître des preuves. À mon avis, ça doit être ça. Faites-le avec l'accent d'un enquêteur de Malmedy, justement. Malmedy, c'était un tout petit peu allemand, comme ça, comme un Valkenrad. Ou alors avec l'accent liégeois, allez-y. Il faut... je l'ai oublié. Passer d'un accent à l'autre, comme ça, c'est pas si facile. Pas évident, vous n'êtes pas un acteur dans l'âme, Raoul. C'était peut-être pour faire disparaître des preuves. Ah voilà, on peut y aller. C'est bien. Bon, dans la suite, on va faire apparaître, non pas des preuves, mais une autre actualité en rapport avec ce jour, ce 29 août, où que vous soyez. Merci d'être presque sérieux. On s'intéressera à deux formes d'histoire. L'histoire avec un grand H pour commencer, signé Laurent Dosset, qui vous posera, vous qui nous écoutez, à vous autour de la table, une question en rapport donc avec ce 29 août. Et puis Vincent Flibussier qui termine lentement et sûrement ses histoires à dormir debout. L'une entre elles est vraie, à vous de déterminer laquelle. J'ai hâte de le lire, tiens, justement. Allez, ne bougez pas, nous sommes presque sérieux sur la première. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. La première présente, le deuxième Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott, Steve Barrow, Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Pour bien commencer la saison de sport, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Decathlon et sur decathlon.be. Maman, cette année, j'ai envie de faire autre chose. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire, ma chérie ? Gymnastique, danse, natation, équitation ? Non, du rugby ! Pour eux et pour tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Les portes ouvertes de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Dimanche 4 septembre dès midi, concerts, visites, jeux et activités en famille, ciné-concerts. La salle philharmonique de Liège vous ouvre ses portes. Un événement gratuit sans réservation. 04 220 4x0 ou au PRL.be avec la première. Ces 10 et 11 septembre, les 28e journées du patrimoine vous font vivre un voyage à travers les religions et les philosophies. Une expérience gratuite, ludique et didactique à vivre dans toute la Wallonie. Info journeesdupatrimoine.be ou téléchargez notre application. Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon avec le soutien de La Première et La Une. La Première. Mobile Info. Et à 16h44, retrouvons Marjorie Bilot. Alors Marjorie, ça roule ? Et bien difficilement sur le ring de Bruxelles, surtout en circulation intérieure suite à un accident qui s'est produit entre Groenendaal et Waterloo. Alors on perd en fait plus d'1h15 à partir de Woluwe-Saint-Etienne, donc les files se sont allongées de Woluwe-Saint-Etienne jusqu'à Groenendaal, donc ajouté plus ou moins 1h15, 1h20 en direction de Braine-l'Alleud. Et sur le tronçon Zaventem-Grand Bigard, là, comptez 30 minutes supplémentaires par rapport à une circulation fluide. Ça ralentit principalement entre Woluwe-Saint-Etienne et OML vers Grand Bigard. Sur le ring 3 de Charleroi, c'est chargé à partir de Mont-sur-Marchienne jusqu'à Châtelet vers Épigny. Sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle, suite à un accident à Timistère, on a encore plus ou moins 3 km de ralentissement vers l'Allemagne avec un petit quart d'heure perdu. Et du côté de l'E19 Bruxelles-Valenciennes, les travaux à Nîmes-et-Mézières vous ralentissent depuis Saint-Denis vers la France. Vous perdez une dizaine de minutes. La bonne nouvelle, c'est que la fin de ces travaux à Nîmes-et-Mézières est prévue pour le 15 septembre. À gauche, à droite, tout droit. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça ? Hey, Houston, on a un problème ici. 29 août, et en ce 29 août, il s'en est passé des choses. Justement, la question que va vous poser Laurent Dehausset est en lien direct avec ce 29 août. De quoi s'agit-il ? L'huile de coude est mon moteur. Que suis-je ? Alors, les lampes électriques qu'on doit tourner. À l'huile de bras, Marie-Christine. Pardon ? À l'huile de bras, Marie-Christine. À l'huile de bras. Non, c'est pas ça. La dynamo ? La dynamo, vous dites ? Mm-hmm. Effectivement. Sauf que Vincent a eu du mal à donner le mot exact. Ah non, non, moi je parlais de l'huile de bras, Marie-Christine. Ah oui, non. Mais c'est le principe de la dynamo dans l'huile de bras, Marie-Christine. C'est quand même moi qui ai donné la bonne réponse. Dynamo inventé par un Britannique, Faraday. Alors pour la petite histoire, notre assistante, Jarre Boulèche, au moment où me donnait l'info. C'est pas des noms comme ça. Mais non, mais il faut quand même remettre. Jeter en pâture. Non, mais c'était, mais c'est, voilà. Mais c'était drôle et elle mignon. Elle pensait que c'était un petit lutin. Oui, je vous jure, elle m'a dit c'est Faraday qui a inventé la dynamo. Et c'est lui aussi qui a fait la cage de Faraday ou pas du tout ? Ah c'est oui. Ça, c'est oui, ça. Oui. Ce physicien, donc Dynamo, abréviation de machine dynamo électrique, qui convertit donc l'énergie mécanique en énergie électrique. Bravo Cynthia Isarelli et bravo Monsieur Faraday, car grâce à lui, eh bien, on peut remonter des trucs facilement. Voilà. Et à Jarre Boulet, je fais des beaux rêves. Non mais c'est bien. D'ailleurs, on a des... Je vais demander là, tiens, à Jarre Boulet à distance. On nous reste encore des radios dynamo ? Oui, ah ben on en offre une tout de suite. Vous envoyez Farfadet par SMS. Mais attention, avec la bonne orthographe, au 6031. Si 75 centimes le message. Vous envoyez Farfadet donc par SMS au 6031. Vous repartez avec une radio dynamo aux couleurs de la première. Sur la première, de la musique également. Petit souvenir, 1975, You Sexy Thing. Ah, merci, ça, merci. ça, c'est Hot Chocolate. C'est ce que nous écoutons sans plus attendre. Et juste derrière, on revient avec les histoires de Vincent Flibustier. Deux histoires, l'une d'entre elles est vraie, et nous sommes presque sérieux. I needed you. How did you know? such a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you such a thing. Petite histoire, vous savez qui les a découverts ? Non. Hein, si je vous dis qu'ils viennent d'Angleterre. Enfin, en tout cas, à la base, ils sont jamaïcains, mais ils viennent d'Angleterre. Les Beatles ? Les Beatles, John Lennon. Ils ont chanté une chanson de John Lennon, que John Lennon a appréciée. Ils l'ont chanté en reggae, puis ils ont signé. Voilà, il s'appelle Hot Chocolate, et c'était un souvenir de 1975. You Sexy Thing, c'est ce que vous écoutiez à l'instant sur la première. Bonjour, messieurs Vincent. Vincent Flibustier, deux histoires avant les infos de 17h, on vous écoute. Tout à fait, aujourd'hui c'est la journée mondiale ne contre les... Ne criez pas. Je ne crie pas, bah, le technicien peut, notre réalisateur peut baisser le micro, non, je dois parler moins fort. Ouais, ouais, ce lundi... Fermez-la finalement. Allez, séquence suivante, à vous Percherette. Alors, aujourd'hui c'est la journée mondiale contre les essais nucléaires et la nuit mondiale de la chauve-souris. Mais pourquoi la nuit et pas la journée? Eh bien parce que les chauves-souris dorment la tête en bas et du coup elles font tout à l'envers comme les Chinois qui vivent de l'autre côté de la planète. Première histoire, chauve-souris. Raoul, vous pouvez arrêter de sourire, je parlais de l'animal. Nous sommes en 1968 et... J'ai encore mes cheveux, moi. Blague. Nous sommes en 1968 et le Ku Klux Klan n'est plus au top. Le groupuscule le plus actif des restes du clan est le Bayou Knights of the Ku Klux Klan qui agit pas mal. Bayou. Foutez-moi la paix. Mais foutez-moi la paix. Et lors d'une petite ratonnade organisée par le clan en 68, les membres du groupe secret reçoivent un message leur disant « Meeting at St. Martin Church, bring your bat. » Bat voulant dire bat, donc de baseball en français, mais bat veut aussi dire chauve-souris. Et c'est ainsi qu'un des suprémacistes a débarqué avec une chauve-souris dans sa poche. La ratonnade sur quatre noirs a eu lieu, un des membres tenant toujours sa chauve-souris dans la poche, et elle mourra dans le combat. Quand le groupe a été jugé, ils ont vu leur peine augmenter de 5 ans pour élimination d'un animal protégé, et c'est ainsi qu'en se sacrifiant à son insu, une petite chauve-souris a donné 5 ans de prison à 8 membres du groupe. Eh ben voilà. Rassurez-moi, c'est l'histoire que vous avez écrite pendant l'émission, celle-là. Bah, on va écouter la seconde, justement. La seconde histoire, Vincent Flibus. Ben, sujet nucléaire, donc, hein, c'est le deuxième sujet, vu que c'est la journée mondiale contre les essais nucléaires. Et on a déjà parlé ici du Trinity Project, qui était la première bombe atomique jamais testée aux USA en 1945, et dont le site de test est aujourd'hui devenu le musée le moins ouvert du monde, seulement 12 heures par an. Mais ce qui est fascinant aussi, c'est que malgré le grand secret sur les essais nucléaires, il y a une personne qui savait sans être censée. Sans être au co- sans être sans être censé l'être. Je vous vite. Et oh mais ça suffit, sans être censé être au courant. Et c'est un employé de Kodak qui a remarqué du flou sur les pellicules produites en 1945 et après analyse, il en a été convaincu que c'était donc à cause d'une radioactivité soudaine, donc une bombe atomique lâchée au Nouveau-Mexique. Impossible, fou, mais il n'en parle à personne, il garde le secret et un civil aurait donc pu prévenir le monde de ce que les États-Unis s'apprêtaient à faire, commettre le massacre le plus rapide et barbare jamais perpétré. Mais il s'est tué. sentais un peu comme ce Français qui a fait son 50 mètres marche là. Vous êtes soulagé là maintenant. Oui, ça va. Vous êtes mieux. Bon, deux histoires. L'une d'entre elles est donc vraie en ce lundi, une histoire de chauve-souris ou de nucléaire. Petit tour de table et vous avez peut-être votre idée, justement, vous qui nous écoutez, première ou seconde histoire. Edgar Schotz. Ouais, j'aime bien la chauve-souris. Moi. La chauve-souris. Histoire de la chauve-souris, Cindy Azarelli. Moi aussi, parce que j'ai rien compris à la deuxième, de toute façon. Censé être. Pierre Charette. Je salue l'écriture de la première, mais je choisis la deuxième. La seconde, Raoul Reyers. Moi, la première. Ouais. Eh bien, pour découvrir l'histoire vraie du jour, petit roulement de tambour. En ce lundi, fallait-il choisir l'histoire de la chauve-souris ou du nucléaire, Vincent? Je tenais à dire que j'ai ma maman qui m'envoie un SMS. Je t'écoute, est-ce que je te perturbe? Allez comprendre. Vous comprenez pourquoi je suis comme ça? Alors, allez-y, on salue votre maman chats. Au passage. Oui. Pourtant, vous n'aviez pas l'air perturbé. C'est bien évidemment l'histoire du nucléaire. Il y a donc un employé de Kodak qui a remarqué qu'en fait, il y avait toute une partie des pellicules qui avait été bousillée à cause de l'essai nucléaire qui était pourtant fait à des centaines de kilomètres de là. Il s'est tu pendant des années et puis à un moment, il en a fait finalement un rapport à Kodak qui a attaqué le gouvernement américain pour récupérer l'argent perdu sur toutes ces pellicules qui ont dû être jetées. Et du coup, aujourd'hui, toute l'industrie de la photo et du cinéma, bon, maintenant, il n'y a plus beaucoup de pellicules, mais à partir de 45 et jusque, à mon avis, encore maintenant, le gouvernement américain prévient des essais nucléaires qui sont testés ou quand il y a de la grande radioactivité afin d'être sûr qu'il n'y ait pas des usines de pellicules. Voilà, et c'est un peu à peu près partout dans le monde. Ah ben voilà, une belle petite histoire signée Vincent Flibussy. On continue à s'intéresser justement à l'actualité de ce lundi. Vous avez tous et toutes entendu parler, ça fait les choux gras de la presse, on en a beaucoup parlé sur la première aussi ce matin, dans Matin Première, les négociations sur le TTIP qui ont échoué. C'est le titre justement que nous mettrons en avant tout à l'heure à 17h, un titre que vous allez revisiter presque sérieusement. On s'informe justement à 17h et puis eh bien, on ira faire un tour avec Pierre Charette et on s'intéressera à quelle actualité avec vous, mon Pierre? Thierry Henry. Ah, on parlera de football donc avec Titi, le français T3, donc dans l'équipe nationale des Diables Rouges. Enfin, il joue pas, il est T3, entraîneur. Il a joué quand même, oui, c'est un ancien joueur. Il a gagné 8000 euros, j'ai appris. Seulement, mais c'est pas grand chose. C'est pas énorme. Hein. C'est pas beaucoup pour le poste qu'il a. Pour un T3. Son contrat de consultant avec la BBC, oui, c'est 1,2 million par an. Ah voilà, ça compense un petit peu. C'est juste pour l'essence, quoi, en gros. Restez avec nous, restez presque sérieux. Une presque star également sera mise en avant. Si vous avez des amis que vous souhaitez mettre en avant, des gens qui contribuent à faire en sorte que notre monde tourne mieux, des gens que vous souhaitez mettre en avant et dont on parle dans la presse, eh bien c'est le moment ou jamais de nous envoyer un petit message, hein, presque@rtbf.be ou sur le Facebook de l'émission par message privé. On lui dit presque star, on sera un plaisir de les appeler. À 17h, on s'informe et dans 17h, ben c'est dans 3 minutes. C'est presque sérieux sur la première. Vous connaissez l'histoire de cet électricien qui a pété les plombs? Ou celle de ce marchand d'antivol qui s'est fait cambrioler? Ou de cette entreprise d'extincteurs qui a brûlé? Non, c'est normal. Vous avez mieux à faire qu'imaginer le pire pour votre entreprise. Moi, c'est mon métier. Alors, passez me voir et effectuons un check-up de vos assurances professionnelles. J'ai plein de conseils à vous donner, pour maintenant et plus tard. Votre agent d'assurance CBC. Anticipez pour mieux faire avancer les entrepreneurs. CBC, décidez d'avancer. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti! Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jaline? Ouais? C'est toi qui as débranché la prise de manège? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9 euros avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Pour chez moi, j'ai choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Vous êtes déjà plus de 500 000 à avoir choisi l'énergie 100% verte de Luminus. Aujourd'hui, investissez avec nous dans notre parc éolien et ensemble faisons progresser les énergies renouvelables. Luminus, ensemble, faisons la différence. Infos et conditions sur luminus.be. Maman, tu l'as? Tu l'as pas oublié? Mais non, Arthur. Voilà ton calendrier des écoliers. Oh, un concours! Ah bon? Dessine une affiche sur les conseils de sécurité aux abords des voies de chemin de fer. On la fait ensemble? Bien sûr, mon cœur. Le calendrier des écoliers d'Infrabel, c'est ce mercredi 31 août dans la librairie La DH. Et pour plus d'infos sur le concours, file sur infrabel.be. La Première présente Les Rencontres Inattendues. 100 musiciens, chanteurs, philosophes, romanciers, comédiens, dont Mathias Sénard, Tahar Benjelloun, Philippe Van Parijs, Grain de la Voix, Philippe Catherine, Françoise Keuten, créent ensemble 30 spectacles inattendus dans des lieux patrimoniaux. À Tournai, les 2, 3 et 4 septembre. Info, lesinattendus.be. Avec nos télés le soir. La Première. Météo. Bonne fin de journée à tous. Les dernières averses vont s'évacuer ce soir par le sud du pays. On reviendra la nuit prochaine à un temps plus calme, minima de 10 à 12 degrés, un petit peu moins dans certaines vallées de l'Ardenne. Demain, les éclaircies ne devraient pas tarder à se reformer pour une journée qui sera somme toute assez lumineuse. Les températures commenceront à nouveau à grimper, mais elles resteront raisonnables, comprises entre 21 et 24, voire très localement 25 degrés du côté de la Campine. On devrait garder ce temps calme et estival jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures en moyenne entre 23 et 27 degrés. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. La Première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Qui est responsable de l'incendie cette nuit à l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie ? On ne le sait pas. Ce que l'on sait ce soir, c'est que les 5 personnes interpellées ont été relâchées. 30 minutes pour se défendre. Dilma Rousseff est au Sénat. C'est la dernière audience de son procès en destitution. « Je suis victime d'un procès injuste et arbitraire », a déclaré la présidente brésilienne, suspendue de ses fonctions. Avant de développer ses titres, un point sur vos conditions de circulation. C'est avec Marjorie Bilot. Oui, avec une difficulté ce soir sur le ring en circulation intérieure. C'est très chargé depuis Woluwe-Saint-Étienne jusqu'à Oulart en direction de Braine-l'Alleud. Vous perdez plus ou moins une heure. On l'a appris dans l'après-midi, le corps d'Anthony a été retrouvé. Le petit garçon de 8 ans avait disparu samedi dans les eaux de la Sambre à hauteur de l'Aube, dans la région de Charleroi. Les recherches avaient repris ce matin. Sonar et équipe de plongée ont été mobilisées par la police fédérale. Alain Remuet est le chef de service de la cellule des personnes disparues. Après 2 jours de fouilles ici dans la Sambre, on a eu l'occasion de localiser le corps d'Anthony. C'était vers 15h15 quand il a été détecté par le sonar de l'équipe technique de la police de la navigation de la police fédérale. Et ensuite, le corps a été récupéré par un plongeur de la protection civile des Crisnay. On a mis les parents au courant et avec ça se termine 2 jours de fouilles intensives ici dans l'Aube. Vous vous attendiez à cette issue ? Oui, malheureusement oui. Hein. Il faut être réaliste dans un cas comme ça. Le moment de l'accident, il y a encore une phase de sauvetage. Mais après quelques heures, un enfant de 8 ans, il n'a pas beaucoup de chance ici dans des circonstances comme ça. Une interview de Marie Dessier et Simon Bourgeois. Samedi soir, le petit garçon a glissé alors qu'il jouait à l'avant du bateau. Une petite fille qui l'accompagnait aurait été témoin de la scène, mais les parents n'ont remarqué la disparition d'Anthony qu'après de longues minutes. Après plusieurs allers-retours, ils ont appelé les secours, mais n'ont pas pu donner la localisation exacte de la chute. Une instruction a été ouverte pour homicide involontaire. Les 5 suspects interpellés cette nuit dans les environs de l'INCC, l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie à Neder-Overenbeek, en région bruxelloise, ces 5 suspects ont été relâchés. Pas d'inculpation quelques heures après cet incendie criminel dans cette institution fédérale. Elle réalise des expertises pour l'autorité judiciaire. Le parquet a ouvert une enquête pour incendie volontaire et dégradation par explosion. Une enquête, Pierre Van den Bul, qui ne fait que débuter. Les experts n'ont pu commencer leurs travaux que cet après-midi, après que les pompiers, mais aussi le service de déminage de l'armée, aient sécurisé les lieux. Ces experts vont tenter de déterminer l'origine de l'incendie et de l'explosion entendue par des témoins. Pour l'heure, on sait juste que plusieurs individus ont pénétré sur le site de l'Institut avec un véhicule, après avoir forcé des serrures, et c'est l'aile des laboratoires qui a été visée. Ine van Weymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles. L'INCC est un partenaire privilégié des autorités judiciaires. Ce n'est pas une cible choisie au hasard. Il est clair que plusieurs personnes ont intérêt à ce qu'un incendie ait lieu dans les bâtiments de l'INCC. Maintenant, c'est aux enquêteurs de déterminer qui est responsable pour cet incendie volontaire. Vu la nature de ces missions, mission, l'INCC regorge d'informations sensibles. Le site fait dès lors l'objet de mesures de sécurité avec notamment un réseau de caméras de surveillance. Mais il n'y a pas de gardiennage. Yann De Kinder, directeur général de l'Institut. Il y a effectivement des mesures de sécurité pendant la nuit, mais effectivement il n'y a pas de présence humaine, et je dirais heureusement parce que comme ça, il n'y a pas de victimes. Par le passé, l'INCC a déjà subi plusieurs petits cambriolages, mais il n'avait jamais connu un acte de malveillance aussi violent. C'est la rentrée pour les patrons et les syndicats. Réunis au sein du groupe des 10, ils se retrouvent en ce moment. Il y a deux dossiers de taille, la loi qui régit l'évolution des salaires et la réforme du temps de travail, c'est-à-dire la fin de la semaine des 38 heures de travail voulue par le ministre fédéral de l'Emploi. On peut le dire, Marie-Paul Jeunhomme, la rentrée est déjà balisée. Eh bien écoutez, on devrait aujourd'hui entrer dans le vif du sujet. Deux heures de discussion programmée. Patrons et syndicats vont procéder à un premier tour de table sur un des deux projets phares du gouvernement pour cette rentrée. Je parle de la réforme de la loi de 96. Vous savez, cette loi qui régit la formation des salaires. Après le blocage de l'évolution des salaires, après un saut d'index, le gouvernement Michel veut à présent de nouvelles règles pour mieux encadrer, entendez, limiter les augmentations salariales dans les années qui viennent. C'est vous dire que c'est très peu au goût des syndicats. Le gouvernement ne veut pas qu'à l'avenir, les réductions de charges accordées aux entreprises, soit à peu près 1 milliard d'euros en 2017 et 2018, eh bien, que ces réductions de charges ne conduisent à des augmentations de salaire. Alors, un premier débat aujourd'hui entre patrons et syndicats sur ce projet, une manière en tout cas pour les organisations syndicales de mesurer les marges de négociation et d'amendement possibles. Marie-Paul Jeunhomme qui suit donc cette rencontre du groupe des 10. Au Brésil, la présidente suspendue Dilma Rousseff joue son va-tout aujourd'hui. Elle se défend devant le Sénat. Les sénateurs devront ensuite voter sa destitution ou non. Si le Sénat se prononce en faveur de sa destitution, Françoise Almac, elle devra dire adieu à sa carrière politique. Dilma Rousseff n'a rien perdu de sa combativité, même si elle sait qu'elle part perdante. Elle est arrivée souriante tout à l'heure au Sénat, accueillie par des centaines de partisans qui lui ont tendu des fleurs. Elle était accompagnée par son mentor, l'ancien président Lula. Dilma Rousseff est une femme d'acier. Elle a enduré la torture sous la dictature militaire. Elle a vaincu un cancer. Et cette fois, l'ennemi est une nouvelle fois venu de l'intérieur. Elle se dit victime d'un coup d'État institutionnel dont l'instigateur est son ancien bras droit, devenu son rival. Le vice-président, Michel Temer, est le principal bénéficiaire de la manœuvre, car en réussissant à écarter Dilma Rousseff, il se retrouve aux commandes du pays. Dilma Rousseff aura la parole durant 30 minutes, et puis les parlementaires lui poseront des questions. Ensuite, ils voteront. Il faut deux tiers des voix des sénateurs. Détail piquant, Dilma Rousseff est accusée d'avoir maquillé les comptes de l'État pour cacher l'ampleur du déficit, mais la moitié des parlementaires qui vont décider de son sort sont eux-mêmes soupçonnés de corruption. Si Dilma Rousseff est écartée du pouvoir, elle ne pourra plus occuper de fonctions publiques pendant 8 ans. L'organisation terroriste État islamique a semé la désolation à Aden. C'est le grand port du sud du Yémen. Un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé devant un centre de recrutement de l'armée. Des centaines de jeunes faisaient la queue pour se faire enrôler. 71 personnes ont été tuées. Il y a une centaine de blessés. Cette attaque à la voiture piégée est la plus sanglante commise à Aden. Les djihadistes de l'État islamique et d'Al-Qaïda multiplient les attentats dans cette ville. Le Yémen est en proie à une guerre civile entre sunnites et chiites. Les groupes terroristes profitent de ce chaos pour tenter de faire leur place au sud du pays. En sport, les Diables Rouges s'entraînent ce soir en prévision du match de jeudi contre l'Espagne, un match amical. C'est la première de Thierry Henry en qualité d'adjoint de Roberto Martinez, l'entraîneur des Diables Rouges. Et puis en foot encore, le milieu offensif roumain Nicolae Stanciu a signé avec le Sporting d'Anderlecht un contrat qui porte sur 5 saisons. Il est 17h08, très bel après-midi à notre écoute. C'est évidemment pour le moment presque sérieux. Toute l'info est sur rtbf.be. On sent que c'est les vacances. Oui, faut s'en remettre un petit peu dans le bain. Mais ça reste presque sérieux. Oui, on n'a pas changé. Oui, ben voilà. Il faut expliquer aux auditeurs qu'en fait, vous devez faire une annonce qui termine de manière assez neutre. Oui. Et juste après la virgule, hop, là, à ce moment-là, vous nous annoncez. C'est ça. Oui. Heureusement que je suis revenu. Écoutez, ça nous fait plaisir de vous revoir, Diane, en tout cas. C'est bien neutre. Ça, c'est bien neutre de chez neutre. En tout cas, retour de l'information tout à l'heure à 17h30 pour Soir Première. La Première. 16h-17h30, c'est presque sérieux. Avec Walid. Nous entamons ensemble cette dernière ligne droite presque sérieuse en ce lundi 29 août avec toute l'actualité revue et corrigée par nos beaux esprits. Et il y a du talent autour de la table pour justement mettre de la bonne humeur dans vos oreilles avec cette actualité qui peut parfois justement être très grise. Des rayons de soleil qui rayonnent à la personne par exemple de Cynthia Isarelli. Bonjour Cynthia. Vous allez bien Cynthia? Il y a Edgar Chaussy autour de la table. Salut. Il y a Vincent Flibustier. La pêche. Il y a Raoul Reyers. Avec plaisir. Et il y a Pierre Charette. Rebonjour Olivier. Pierre qui nous parlera de Thierry Henry. Donc dans la suite, c'est dans un gros quart d'heure maintenant le temps pour nous justement nous intéresser à une actualité avec un titre que nous allons remettre au goût du jour. C'est presque sérieux. Sur la première. Un titre mis en avant aujourd'hui dans toute la presse, tout le monde parle des négociations sur le TTIP qui ont échoué, des négociations entre Européens et Américains pour mettre donc sur pied un vaste traité de libre-échange. Échoué, c'est ce qu'a estimé le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel. Les discussions avec les États-Unis ont de facto échoué car nous, Européens, nous devons bien sûr pas céder à leurs exigences, c'est ce qu'il a affirmé, ministre de l'économie par ailleurs, rien n'avance, c'est ce qu'il a souligné. Une forte contestation en Allemagne et dans le reste de l'Europe. Un accord qui était absolument juste et important et dans l'intérêt absolu de l'Europe, c'est ce qu'avait déclaré la chancelière allemande fin juillet, Angela Merkel. Titre que je vous propose de retitrer, tout simplement. Une info, Raoul Reyers, comment est-ce que vous auriez pu retitrer cette information sur les négociations du TTIP qui ont échoué? Par exemple, TTIP 0, Europe 1. Ouais. Échec et smash dans ta gueule. ça va pousser au clic, ça. Ça va pousser au clic. Et vous mettez peut-être une photo de Goffin, c'est ça? Pour que ce soit. Bah oui, qu'on reste dans la métaphore tennistique. Si oui, pourquoi pas. Pierre Charette. Vous ne devinerez jamais pourquoi les négociations sur le TTIP ont échoué. La suite va vous étonner. La septième va vous surprendre. Ça marche toujours. C'est pas mal. Cynthia Isarelli, TTIP, des négociations qui ont échoué. Comment est-ce que vous retitriez-vous cette information? Si tu avances quand je recule, comment veux-tu, comment veux-tu? Comment veux-tu que quoi? Non, c'est une chanson en fait. Ah, c'est une chanson. Merci Patrick, Sébastien. On va demander à Edgar Schott, TTIP, échoué. Ben je reprendrai ce vieux dicton polonais qui dit « Quand un Allemand t'annonce une bonne nouvelle, méfie-toi quand même, surtout si c'est un ministre. » Et enfin, Vincent Flibustier. Ben Raoul a dit TTIP 0, Europe 1. Moi, je dis TTIP 0, France Inter. Boum. C'est fort. Je ne suis pas certain qu'en rédaction, à un moment donné, Vincent, c'est un bon titre, ça. Je prends. Pourquoi pas? Moi, je crois que je vais prendre celui de Pierre Charette. Non, finalement, voilà, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Je choisirai le titre qu'on mettra en une. C'est celui de Pierre Charette que je choisis. En attendant, vous écoutez justement mon Pierrot. Écoutons une presque star. Elle est avec nous. Il est avec nous. Il s'appelle Frédéric. Frédéric, c'est notre presque star du jour. Vous le savez, et on ne le répétera jamais assez, on parle de tout ce qui fait la presse. Tous ces anonymes qui font parler d'eux, eh bien nous les mettons en lumière tous les jours presque sérieusement. Des questions que vous allez me poser et on s'intéresse à Frédéric dans un instant. Le temps pour moi de le saluer. Bonjour Frédéric. Bonjour Walid. Vous allez bien ? Fort, fort bien. Alors, pourquoi on parle de Frédéric? On s'intéresse à vous, je le disais dans un instant, mon Frédéric. 2 minutes pour me poser une série de questions. Je ne réponds à vos questions que par oui ou par non. C'est parti. Est-ce que Frédéric nous aime à l'italienne? Frédéric nous aime à l'italienne? Non. Mais peut-être, mais il peut nous aimer tout court. Je veux dire, pas forcément qu'à l'italienne. Ça, il peut nous aimer à la marocaine, il peut nous aimer à la turque, il peut nous aimer à la belge, il peut nous aimer à la turque, ça fait bizarre. Oui, non. Il peut nous aimer à la polonaise. Alors, est-ce que Frédéric est le fils et est lui-même un grand réviseur d'entreprise? Non, absolument pas. Non. Frédéric. Non. Est-ce non. que Frédéric est choriste dans The Voice? Frédéric est choriste dans The Voice? Non. Est-ce qu'il est activiste? Activiste, non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Non, mais il est actif, oui, effectivement. Il a inventé quelque chose, non. Court? Pardon? Court? Court? Préciser. C'est du sport? Ah oui, du sport, j'ai compris autre chose. Court, non. Long? En deux briques? Je ne sais pas. Camoulox. Bravo. Autre question, je ne réponds que par oui ou par non. Artiste, non. Non. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise non plus. Dans l'associatif. Alors c'est un peu artistique. Il n'est pas tout à fait artiste, mais c'est artistique en tout cas. La raison pour laquelle on en parle, c'est parce que c'est artistique, effectivement. Mmh. Dans un cadre bien particulier, à l'occasion des autres, de la fête de la BD. À la fête de la BD, non. C'est un anniversaire. Et il prend part à cet anniversaire avec quelque chose qu'il entreprend. Il organise un anniversaire, quoi. L'anniversaire de son cousin. Camoulox. De son cousin, non. L'anniversaire d'une personnalité, d'une célébrité. Alors, une personnalité, on se rapproche. C'est un grand anniversaire. Un grand anniversaire. C'est un fan, en fait. Un fan, peut appeler ça un fan, mais... Par rapport avec tout Stillemans. Non. Avec la Belgique. Avec la Belgique, oui. C'est l'anniversaire d'un truc royal. Non. D'un artiste belge. D'un artiste belge, non, il vous reste 10 secondes. D'une région. D'une région, oui. On n'a pas des indices, normalement. Ah bah là, non, c'est décidé, c'est la nouvelle saison. De la région wallonne. Ah, pas très loin. La région flamande. La communauté française. Non. La province du Hainaut. Non, non, non. Vous avez entendu parler de l'anniversaire de Charleroi, quand même. Ah, mais oui, les 350 ans de Charleroi. Ah, c'est lui qui a créé le Cluedo. Non. Lui est en route vers un record, en tout cas, qui était censé à la base être un record du monde. Il va nous en parler. Une idée qui est venue comme ça, un matin, au coworking de Charleroi, autour d'un café. Comment sensibiliser les gens au patrimoine, c'est la question. Et cette idée est née d'après cette question. Organiser donc la plus grosse concentration de chanteurs wallons. C'est bien ça. C'est bien ça, hein, Frédéric. C'est exactement ça, oui. Alors expliquez-nous un peu, ça. Parce qu'au départ, c'était censé être donc un record du monde. Mais Guinness Book vous a dit que c'était impossible. Ben, disons que ce sera un presque record du monde. Ah oui, simplement. Ah oui, ben oui. Hein. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que dans un premier temps, on les contacte pour faire le plus grand rassemblement de chanteurs wallons. Mm-hmm. Et il s'avère que ça ne rentre pas dans leur rubrique. On s'en doutait un peu, mais qui ne tente rien à rien. Mm-hmm. Parce que là, on était certain de le remporter, vu qu'il n'existait pas. Et donc, ils nous ont mis dans d'autres cases où les deux records sont à 260 000 personnes qui ont chanté ensemble l'hymne national birman. Je crois qu'eux, ils n'ont pas eu le choix. Et l'autre, c'est dans un des pays de l'Est où ils étaient 4600 à se retrouver à un endroit à chanter une chanson. Et c'est un peu, à mon avis, les mêmes raisons. Et donc pour ici, voir la Wallonie figurer dans le Guinness Book des records, il faut qu'il y ait combien de personnes? Il faut qu'il y ait 4611 personnes. Ah, très précisément. Écoutez, il y a déjà Julos Bocan. Ah, donc la moitié de la page Facebook. Mais quand vous dites chanteurs wallons, c'est des chanteurs professionnels? À peu près n'importe qui habite en Wallonie peut se déclarer chanteur. Il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a, mais pas autant. Et donc, l'idée, c'est de se retrouver tous ensemble à chanter deux chansons du patrimoine Carolo, qui sont Pays de Charleroi et Lolotte. Alors, 350 donc, ans voilà, de... Au boulevard Jacques Bertrand. Le 4 septembre à 12h, c'est ça? Exactement. Voilà, afin de participer donc à cette belle aventure, il ne faut pas savoir chanter pour venir. Toutes les fausses notes seront cachées par la foule. Frédéric François Salam. Donc voilà, vous pouvez venir avec vos amis, avec vos familles. On va relayer cette information sur la page Facebook de l'émission et sur le site de la première. Alors on ne peut pas résister au plaisir, Frédéric, tant qu'on vous a avec nous, de nous chanter un petit bout du pays de Charleroi. Allez-y, faites-vous plaisir et faites-nous plaisir par la même occasion. Ouais. Salut au passage tous nos amis Carolo. Oh, mais je ne suis pas un grand chanteur, donc s'il repleut, c'est de ma faute. Hein. Oui, non, mais vous inquiétez pays pas. Pays de Charleroi, c'est toi que je préfère, mon plus beau coin de terre. Et voilà, et donc c'est le déluge demain. Ah ben voilà, ah ben, rendez-vous le 4 septembre pour avoir la suite des paroles, donc n'hésitez pas, c'est un peu, on dirait, Nagui. N'oubliez pas les paroles de Nagui. Oui, Raoul. Je voulais merci faire pour votre accueil. Avec plaisir. Je voulais faire une petite parenthèse parce qu'il y a un auditeur qui s'appelle Pierre qui nous a aussi envoyé un titre sur le TTIP. Mm-hmm. Et son titre n'est pas mal parce que c'est TTIP, ça sent la chicorée. Hey, j'enlève le titre à Pierre Charette et je l'offre. Mais non, je suis désolé, c'est meilleur. Allez. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part de vos titres, de vos stars, parler de l'actualité, toute l'actualité, notamment sur les réseaux sociaux de La Première, sur la page Facebook de C'est Presque Sérieux, sur les sites de La Première, lapremière.be. On salue donc Frédéric et on vous donne rendez-vous le 4 septembre à midi du côté de l'Éden au boulevard Jacques Bertrand à Charleroi pour tenter de marquer le coup, surtout pour les 350 ans du Pays Noir. Et nous, dans la suite, on va s'intéresser au football avec Thierry Henry, revu et corrigé par Pierre Charette. Toby Alderweireld. Oula, Alderweireld. Alderweireld, en fait. D'accord. Alderweireld. Donc, Toby Alderweireld. Ireld Aldervelde. Ah, c'est dur. Hein. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quand il fait beau, le temps, je le fais entrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Ah, mais la porte est bloquée. Non, poussez pas mon échelle. Oups, pardon. Un accident du travail, c'est vite arrivé. Avec la boîte de prévention gratuite de Fédéral Assurance, vous êtes doublement gagnant. Vous pouvez éviter les accidents du travail et découvrir comment diminuer votre prime d'assurance. Plus d'infos sur sécuritéautravail.be ou fédéral.be. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Olivier, qu'est-ce que tu fais ? J'inspire le quartier. Comment ça ? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement. Pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial ! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75, 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Hé, hey, c'est encore moi, Hip. J'ai entendu tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée. Ça fait hyper beaucoup. Heureusement, dans votre hypermarché Carrefour, vous trouvez les meilleurs prix garantis sur des centaines de fournitures scolaires. Et si vous trouvez moins cher ailleurs, bam, on vous rembourse 5 fois la différence. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. La première et la 3 présente de Salvador à Dali. Vu le succès sublimissime de la plus grande expo jamais réalisée sur ma vie et mon œuvre, à la gare des Guimains à Liège, prolongation mirobolante jusqu'au 6 novembre. Avec le soutien de la Wallonie, la Loterie Nationale et l'Avenir.net. Info, expodali.be. La première. Mobile Info. 17h20, retrouvons Marjorie Bilot pour faire un point sur vos conditions de circulation. Marjorie ? Oui, nous allons d'abord sur Liège avec 3 km de ralentissement sur le 40 Liège-Aix-la-Chapelle suite à un accident à Timistère, toujours d'actualité, 3 km de fil donc vers l'Allemagne. Et puis sur le Ring, c'est toujours dense et chargé entre Woluwe, Saint-Etienne et Oulart vers Braine-l'Alleud. Ajoutez plus ou moins une demi-heure et plus ou moins 20 minutes supplémentaires entre Woluwe, Saint-Etienne et Wemel dans l'autre sens vers Grand-Bigard. Rue, avenue, chaussée, boulevard. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première présente les Brussels Stefex Masters. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde sautent aux portes de Bruxelles en cette fin d'été au Brussels Stefex Masters. Venez soutenir les Belges face aux cavaliers internationaux dont Lucy Davis, vainqueur l'an dernier. Brussels Stefex Masters à Wolvertem, du 31 août au 4 septembre. Entrée gratuite. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Un peu moins de 9 minutes, c'est ce qui nous sépare de soir première avec Arnaud Roysen. C'est d'ailleurs le temps qu'il vous reste pour envoyer Farfadet par SMS au 6031, 75 centimes le message. Pourquoi Farfadet ? Eh bien aujourd'hui, en ce 29 août, eh bien, nous célébrons l'invention de la dynamo par un certain Michael Faraday que notre assistante Ajar Boulesh a renommé Farfadet. Raison pour laquelle donc il vous suffit d'envoyer Farfadet pour repartir avec une radio dynamo aux couleurs de la première. En attendant, intéressons-nous à cette actualité, Pierre, puisque vous revenez avec nous sur la nomination surprise de Thierry Henry comme entraîneur adjoint des Diables Rouges et vous nous plongez à sa première conférence de presse devant un parterre de journalistes. Goedendag, dit is Rodrigo Benkens voor het laatste nieuws. Uw aanstelling als nieuwe T3 van de Belgische nationale ploeg was verrassend. Bent u ervan overtuigd dat u van nut kan zijn voor het team? Sorry, je n'ai pas compris, j'ai rien compris. Oké, ik herhaal. Uw aanstelling als nieuwe T3 van de Belgische nationale ploeg was verrassend. Bent u ervan overtuigd dat u van nut kan zijn voor het team? Je suis désolé, je comprends rien ce que vous me racontez. Vous pourriez répéter en français? Ça va durer 3 minutes, hein, je vous préviens tout de suite. Comment? Vous ne pas être capable de parler néerlandais? Le néerlandais? Vous parlez néerlandais dans ce pays? Mais personne ne m'a rien dit. Prachtig. Ça être encore un fainéant francophone qui ne maîtrise même pas la langue de Vondel. Enfin, personne ne m'a dit que maîtriser les langues nationales était un critère d'embauche. La preuve, l'entraîneur actuel est espagnol, son autre adjoint est anglais. Quant au coach précédent, Marc Wilmots, je suis mal placé pour juger son néerlandais, mais concernant son français, manifestement, ce n'est pas non plus une priorité. Bref, je disais à vous, pensez-vous que vous pouvoir apporter quelque chose à cette équipe? Oui, effectivement, j'espère pouvoir leur donner un coup de main. Je vois, un coup de main. Il y a un jeu de mots, humour de francophone. Bon, et quel est votre autre rôle dans le staff? Votre rôle? Je m'occuperai notamment de l'entraînement de Thibaut Courtois. Non, allez, je plaisante, lol. J'entraînerai les attaquants de l'équipe. Dites, est-ce que Thierry Henry, qui vient entraîner les attaquants des Diables, ce n'est pas un peu comme quand Léo Van der Elst entraîne les héros du Garçon? Je ne connais pas ce Léo Van der Elst. Est-ce que vous connaissez déjà votre équipe type? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Hein. Je jouerai avec 4 défenseurs. Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Nicolas Lombaert et Jean Vertonghen. Et au milieu du terrain? Bah, Eden Hazard, bien sûr. Puis Kevin De Bruyne, Dri Mertens et Stéphane Defour. D'accord. Et en attaque, vous mettrez Romelu Lukaku et Christian Benteke, j'imagine. Ah non, non, pas du tout. Ah bon? Divock Origi et Michy Batshuayi alors? Non plus. Mais qui alors? Bah, j'ai décidé de rappeler dans la sélection Björn Vlaminck et Gilles Vossan. Vous comprendrez vite que dans mon équipe, je n'accorde aucune importance au nom. D'accord. Sinon, vous connaîtrez quelques anciens diables rouges un peu prestigieux? Bien sûr, je connais plusieurs. Je peux vous citer Jean Keulemans, Wilfried Van Moer, Eric Gerets, Laurence Staelan, Francky Vercotoran, René Van der Eyken, Daniel Van Buiten, Gert Verheyen, Erwin Van den Berg, Yves Van de Varge, Léi Klichters, Imo Van Damme, Jean Musseux, Kirsten Flipkens, Kim Gevert et Janina Migmaier, sans oublier mon préféré, Olivier Deschacht. Je peux aussi vous citer... Non, ça ira. Dites, ça n'est pas un peu supercherie, ces conférences de presse ici? Ah, ça, il ne fallait pas embaucher le roi de la triche. Hein. Allez, monsieur, la conférence de presse est terminée. Je cède la parole à Walid Wahabi. Merci Thierry Henry. T3, revu et corrigé par Pierre Charette avec la complicité d'Edgar Schotz dans un flamand un peu plus naturel. Ah oui, compris. Ah, magnifique. On remercie les journalistes. Vous pouvez sortir. Merci. Voilà. Super. Bon, en attendant, chronique à retrouver sur le rtbf.be/ovio. Et le presque mot de la fin, les amis, c'est déjà maintenant. Cette conversation est terminée. Vous avez retenu une actualité pour nos auditeurs chéris, et cette actualité, vous la résumez en un mot. Cindy Aizarelli. Oui, c'est réinsertion professionnelle. C'est Pamela Anderson qui figure dans le nouveau clip de Julien Doré. C'est pas une blague. Mais alors, partons passer des plages de Californie au lac d'Annecy. Ça doit lui faire mal. Ah oui, c'est joli. En maillot ou pas en maillot? J'ai pas encore tout vu. Ah, donc elle était toute nue. Elle était de dos et de loin. Ah, ok. Raoul Reyers. Et moi, le mot, c'est amatriciana. Mm-hmm. Ah oui. Donc, c'est une, si vous allez manger dans des hôtels ou des restaurants italiens qui servent les pâtes à la matriciana, eh bien, il est possible que si l'établissement participe, via la Croix-Rouge, de donner 2 euros aux pauvres gens qui ont eu... Ah, du village d'Amatrice, en fait, d'où vient la recette. Ah, c'est pas mal. Et vous nous rappelez la recette? La matriciana, si je ne me trompe pas, c'est avec des petits lardons et une sauce tomate? Ben, c'est des joues de porc. C'est des joues de porc, effectivement, hein, c'est pas des lardons. Je pourrais pas en prendre. Ouais, c'est ça. Vous pouvez quand même donner 2 euros. Bah oui, j'y vais juste pour donner 2 euros. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs restos qui participent à cette action. Et c'est sympa. Eh ben, on mettra l'info sur la page Facebook de l'émission. Pierre Charette. Le poids des mots. Le journal La Provence, en France, a titré ceci. Séisme, 2 points. Vibrant hommage de son véridique. Oui, c'est de très mauvais goût. Hein. Mais je pense qu'on n'a pas fait exprès. Ça va être le stagiaire. Mais c'est toujours ça, en fait. Hein. Quand c'est une erreur, c'est un stagiaire qui n'a pas fait exprès. Vincent Flibustier. Eh bien, également, dans le Sud, il y a le journal Sud-Ouest. Vous avez vu cette info sur la jeune femme qui s'est fait frapper, en tout cas violenter, parce qu'elle était en monokini sur la plage. Mmh. Et il y a eu une remarque de commentaires qui, évidemment, ont pointé directement la communauté musulmane. Et le journal Sud-Ouest a dû faire un article pour préciser qu'aucune des personnes impliquées, ni la victime, ni les personnes qui l'ont violentée, étaient musulmans. C'est juste pour dire à quel point, dans quelle époque on vit. Ouais. Le journal va préciser qu'ils ne le sont pas. De préciser d'ailleurs. Voilà, ouais. Donc c'est complètement... Il fallait donner l'info dès le départ. Edgar Schott. C'est un peu complémentaire, je vais reprendre une blague de mon ami Asdin qui propose qu'à partir d'un certain moment, à Zaventem, on mette un petit panneau avec indiqué « Non musulmans, plus que 30 minutes de fil, musulmans, levez les mains à partir de demain. » Merci à toute l'équipe et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Début de semaine presque sérieux, une semaine que nous allons passer donc avec vous à décortiquer cette actualité, espérant qu'elle soit drôle tout simplement pour nous permettre de pas travailler finalement. Merci à Raoul Reyers, merci à Pierre Charette, merci à Cindy Aizarelli, à Edgar Schotz, Vincent Flibustier. Rendez-vous demain dès 16h, émission donc à podcast également sur rtbf.be/ovio. Toutes les séquences à retrouver également sur le site de La Première. Bref, du plaisir qu'on prendra avec vous demain dès 16h. Et l'information sérieuse, elle arrive tout de suite avec Arnaud Reyssen pour Soir Première. Ça se passe sur La Première. Tout à l'heure, à 20h, le monde est un village. Des vents annonciateurs de bonne musique nous arrivent cette semaine. Porteurs d'agréables vibrations, ils nous permettront d'apprécier les réflexions d'artistes aux talents certains. Ce lundi, nous explorons le sud et en particulier la Sardaigne, l'Espagne, la Tunisie et le Mali. À tout à l'heure. Le monde est un village. De 20h à 21h sur La Première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La région de Bruxelles-Capitale, La Première et La Trois présentent la fête de la BD. Mais oui, fête de la BD. Cette année, le Québec est notre invité d'honneur. Et nous fêterons les 70 ans des éditions du Lombard avec le rallye du journal Tintin, le festival BD, les visites guidées et la grande parade du Balloons Day. Fête de la BD. Parc de Bruxelles du 2 au 4 septembre. Avec la ville de Bruxelles et le soir. La Première vous invite à l'avant-première d'Éternité. Une magnifique fresque familiale du réalisateur de L'Odeur de la Papaye Verte avec Audrey Tautou, Bérénice Béjot et Mélanie Laurent. Pour y assister le 12 septembre en présence du réalisateur, 0905 56 475.